l'âme et l'ego se fassent. Mais les liens entre l'âme et l'ego, une fois qu'ils sont faits, qu'est-ce qui se produit? Ils sont redéfaits. Ils sont redéfaits dans ce sens que les liens qui ont été faits par la forme doivent être redéfaits parce que la forme est détruite. Alors, qu'est-ce qui reste quand la forme est détruite entre l'ego et l'âme? Il reste simple l'énergie. C'est l'énergie de l'âme que l'ego a besoin pour immortaliser son matériel. Ça, c'est un point important. Tant que vous allez penser spirituellement, vous ne pourrez jamais vivre de l'énergie de l'âme consciemment. Vous allez vivre de l'énergie de l'âme inconsciemment. Vous ne pouvez pas vivre de l'énergie de l'âme par le biais de la forme spirituelle. Impossible! La seule manière de faire ça, c'est de rentrer à l'intérieur parce qu'il y a de ce qu'on t'a dit. Non! T'as rien à faire! T'as rien à écouter. Tu vis à tous les jours, tu as des problèmes à tous les jours, tes problèmes, tes organises en relation avec ce que tu sais, en relation avec ce que tu sens. Il y a des formes qui se détruisent. Bon, mais c'est ça qui fait éventuellement que l'énergie de l'âme descend. Quand tu auras vécu la destruction des formes pendant 20 ans, il restera seulement une chose entre toi et ton âme, ça sera l'énergie. Il n'y aura plus de forme. Comment dire, il me dit sur un gars, en avant d'une montagne, puis il veut voir chez le bord. C'est ça. Fait que vous t'attendez. C'est la même chose. Ouais. T'attends qu'il mette le boule dans la montagne. C'est ça. Oui. Moi, j'ai vu vraiment bien son genre d'égal. La religion me l'a mis trop loin. La dernière fois que je t'en ai parlé, tu m'as pas parlé beaucoup, j'ai bien chialé, mais est-ce que tu vas m'en parler froidement, savoir vraiment qui il est pour moi, c'est la raison pourquoi il a été crucifié. Moi, je n'accepte pas que j'ai été racheté. C'est pas à être. D'abord, la fonction ultime, la raison pour laquelle il y a eu une effusion à Nazareth, c'était pour permettre la réouverture des circuits universels entre l'homme et les hauts plans de l'univers. Sans ça, s'il n'y avait pas eu cette effusion-là, la connexion ne serait pas faite. C'est ça que ça veut dire racheter les hommes. Racheter les hommes, ça veut dire permettre à l'homme un jour de pouvoir recommuniquer mentalement avec eux autres. Ça a été sa seule fonction. Tout le reste découle de ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Il est venu à l'intérieur d'un principe qui était le principe de l'amour dans ce temps-là, parce que déjà, il n'a pas assez évolué pour commencer à tomber dans le principe de l'intelligence, c'était pas le temps. Fait qu'il est venu au niveau du principe de l'amour, mais le principe de l'amour ne pouvait pas se comprendre avant 2000 ans. L'amour va se comprendre dans notre temps, nous autres. C'est les enfants de la lumière qui vont comprendre l'amour. Ça ne pouvait pas être compris par la cinquième race. Parce que pour comprendre l'amour, il faut être conscient. Alors, sa fonction, c'était de réouvrir les circuits universels pour que nous autres, un jour, on puisse communiquer télépathiquement avec eux autres au lieu de fonctionner à l'intérieur de notre pensée. Puis concernant toute la forme chrétienne, la forme spirituelle du Nazarien, mais ça, tu vas aller passer avec le temps. Il faut que tu les passes parce que c'est une forme. Elle est très grande, je comprends qu'elle est très grande parce qu'on est des êtres spirituels. Fait que c'est évident qu'on vibre spirituellement de cette forme-là. Fait que quand tu fais face à une forme de même, c'est évident que tu vibres. Mais ça fait partie de ton expérience, on l'a tout vécu, je l'ai vécu, moi. Avec le temps, vous la dépassez, cette forme-là. Ne n'a rien. Le corps du Nazarien, la personnalité du Nazarien, la conscience cosmique dans le Nazarien, ça faisait partie du même principe universel qui doit se produire chez tous les hommes. Il n'y a pas de différence entre le Nazarien et vous autres. La conscience universelle, sa conscience universelle, il y a des égaux qui sont suffisamment évolués pour l'absorber, cette énergie-là. Lui en était un. Mais le temps vient où il y aura plusieurs égaux qui seront capables d'absorber l'énergie de cette âme-là, de leur âme, parce que toutes les âmes font toutes partie d'un tout, ces autres plans. malgré qu'elles sont toutes individualisées. Ah, faut pas... Il dit qu'il faut pas qu'on spiritualise rien. On est arrivé au stage, faut qu'on aille au-dessus d'eux pour tomber dans la conscience pure. Sans ça, on souffre pour rien. On souffre d'émotions spirituelles. Puis ça nous retarde, parce que ça nous empêche de nous servir de l'intelligence universelle à nous autres. Parce que regarde comment ce qu'elle fonctionne, l'intelligence universelle. Elle détruit toutes les formes. Fait que si on est attaché, nous autres, humainement, à des formes spirituelles, cette intelligence-là peut pas périr. C'est pour ça que, pendant 2000 ans, la forme du Nazaréen était très puissante, et elle a servi pour spiritualiser les masses. Mais à ce temps que les masses sont rendues à un autre stage d'évolution, la forme du Nazaréen ne doit plus servir, elle peut plus servir, puisque le Nazaréen est simplement un véhicule pour la conscience universelle dans l'homme. En relation avec la manifestation du principe de l'amour. Mais comme on sait rien, on parle dans le monde. Oui, mais il y a du monde sur la terre pour vous faire comprendre des principes qui vous amènent petit à petit à vous servir de votre intelligence pour comprendre la valeur de la force. En réalité, il avait même pas besoin de mourir, lui. Il avait juste à vivre cet effet, le contraire. Il y a une raison pour laquelle il est mort. D'abord, tu sais, c'est bien complexe. Il y a une raison pour laquelle il est mort. Il est mort parce que, en mourant, il créait dans la conscience de l'humanité une vibration. Une impression. S'il était mort, s'il était venu, puis il serait disparu, ça n'aurait pas été pareil. Mais le fait qu'il est venu, les gens étaient très barbares, puis les gens qui venaient après étaient très barbares, ça a créé une émotion. Tu sais, une émotion. Il est mort pour nous dire qu'on pleure. Tu sais, toute l'affaire. Bon, mais c'est ça que ça vit, à galvaniser les émotions de millions de personnes. Mais quand t'es rendu à communiquer avec eux autres, puis qu'ils t'expliquent toute la patente, c'est l'autre élément. D'abord, s'il avait été plus mental, il serait pas mort. Il n'aurait pas joué dans le jeu des Romains. Comprends-tu? Il aurait fermé sa gueule. Il n'aurait pas parlé pareil. Il aurait parlé d'une autre façon. Mais ça faisait partie de la structure de sa personnalité, de son ego, pour que ce drame-là se fasse. Mais ce qui était important, c'était pas sa personnalité, c'était l'énergie en lui. C'est ça qui compte. Nos égos remplissent des fonctions pour l'âme. Alors, l'âme, elle doit évoluer, il y a des choses qu'elle fait. Puis là, il y a un égo qui descend ici, qui descend dans le corps matériel. Bon, lui, il va faire telle chose. Il a un caractère, il a un tempérament. Parce que le Nazaréen, il avait un caractère, puis il avait un tempérament. Alors, ce tempérament-là a servi à l'âme. C'est toujours l'âme qui rentre. Ben, nous autres, c'est pas l'âme du Nazaréen qu'on s'accroche dans sa personnalité. Son corps matériel. Le fait qu'il y a eu des courants de santé, toute la cercle, qui crée en nous autres une sorte de douleur spirituelle. Mais c'est de l'émotion spirituelle. C'est fini, les initiés ne mourront plus de la main des hommes. Mais dans le passé, les initiés, beaucoup d'initiés sont morts de la main des hommes. Ça faisait partie de l'évolution. Pour marquer. Parce que nous autres, on considère toujours l'importance de l'homme en relation avec son ego. L'importance de l'âme n'est pas en relation avec son ego, elle est en relation avec son âme. L'ego, c'est le véhicule de l'âme. C'est parce que vous voyez pas votre âme. Si vous voyez votre âme, que l'ego pâtisse ou qu'il pâtisse pas, sans sac, hein. Ah. Le Nazaréen, dans une situation comme la sienne, il a été supporté, il a été donné la force pour faire ce qu'il a fait. Puis il l'a fait. Comprends-tu ce que je veux dire? C'est l'âme qui donne à l'ego. L'âme peut donner à l'ego n'importe quelle force. S'il faut que l'ego se fasse assassiner, elle va lui donner la force pour se faire assassiner. S'il faut que l'ego se fasse arracher les yeux, elle va lui donner la force pour se faire arracher les yeux. Il y a des gens qui sont morts dans le passé qui ont souffert bien plus que le Nazaréen sur le plan matériel. Les tortures, les ci, les ça, les Indiens, les gens qui sont venus d'Europe, qui sont venus ici, qui ont entré rencontrer les Indiens, puis qui se sont coupés le cœur. C'était pas un cadeau. Ils mangent le cœur devant eux autres. Nazaréen, la mort du Nazaréen, c'est pas la mort la plus atroce qu'a connu l'homme. Mais nous autres, on la rend atroce parce qu'on dit que c'est un grand homme, c'est un grand ego, puis c'est un grand être. Alors, qu'est-ce qui nous accroche? C'est pas la mort du Nazaréen, c'est le plan statistique qui nous accroche. C'est le sentiment spirituel qu'on a de voir qu'un grand être se fait passer par des yo-yo. Comprends-tu ce que je veux dire? Puis c'est là qu'on accroche. Mais faut qu'on décroche de ça un jour. Sans ça, on pleurera tout le temps. Moi, il faudrait que je m'accroche au Nazaréen, je passerai mon temps à broyer. Voyons. On a deux idées.

Toutes les questions qu'on se pose sur sa curiosité spirituelle, là. Est-ce qu'on se retarde avec ça? Est-ce que c'est... C'est pas que vous le parlez, c'est que vous pouvez pas faire autrement. Ça va partir de votre tempérament, ça va partir de votre caractère, ça va partir de votre éducation, ça va partir de vos sentiments, ça va partir de votre bonté, ça va partir de votre spiritualité. On tombe-tu dans un piège si on a des... Par exemple, si on veut, on essaie de comprendre l'âme, ben ça. Alors on fait des lectures, puis on réfléchit là-dessus, puis on essaie de comprendre. Est-ce que c'est... Est-ce que ça... On tombe dans un piège à ce moment-là où on est mieux de laisser... De chasser ces idées-là, de dire... Parce que des fois, on se pose des questions, puis ça nous dit, ben c'est pas important, tu sais. Ça nous répond ça. Bon, mais quand ça te répond ça, c'est pas important, c'est ça la réponse. C'est à vous autres de vous ajuster à cette réponse-là. C'est exactement ça la réponse. C'est exactement ça. Quand ils vont vouloir avoir dit assez souvent, c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, puis c'est pas important, mais là, tu vas te laisser tomber. C'est pas important. Vous êtes chanceux si vous dites c'est pas important. Parce que quand vous êtes rendu au point où ils peuvent vous dire dans votre tête c'est pas important. Des fois, pas toujours. Ça, c'est de l'évolution. Mais c'est vibratoire encore. Il y a des choses qui, pour vous, vous pouvez les absorber comme étant pas important. Il y a d'autres choses qui sont trop fortes émotivement pour que ça passe pas le message c'est pas important. Je me demande pourquoi l'âme, l'ajusteur de pensée, c'est encore tout plein de mystères pour nous autres. Pourquoi qu'on. C'est plein de mystères parce que vous essayez d'y penser. Les mystères existent parce que vous pensez. Si vous ne pensez pas, les mystères n'existera pas. Ben oui, mais vous dites que les pensées sont contrôlées par en haut. Il nous vient des pensées. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de curiosité spirituelle. Ah oui, c'est votre problème. D'ailleurs, votre émotion se fait en relation avec ça, vous, Dr. Robert. Oui, mais regardez, là, lui, je sais que pourquoi il vous a posé cette question-là. Tout à l'heure, vous avez dit, laissez Lucifer tranquille. C'est pas Lucifer, lui, qui faisait, c'est l'homme. Parce que nous autres, cette semaine, on discutait et on se demandait si l'homme n'était pas venu sur le plan matériel, parce que vous ne l'avez jamais dit ça, si l'homme n'existait pas justement pour racheter Lucifer. Si on n'était pas venu, nous autres, pour ça. Si c'est pas par le biais de l'homme que les actions de Lucifer... Un jour, vous le saurez s'il y a une relation. En attendant, c'est sans importance. C'est sans importance. Ben non! On perd du temps, de l'énergie. Ben effectivement, vous perdez du temps, vous perdez de l'énergie. Vous perdez de l'énergie. Oh oui, certain. Beaucoup d'énergie. Un jour, vous le saurez, on en parlera, ou ça vous sera dit. Ben en attendant, prenez un break. Okay. Comment ça se fait chez nous? Il n'y a rien que nous deux qui on résonne, puis on... On se pose des questions comme ça, les enfants, on a l'air fatigués, des fois, ils sont complètement... Ouais, qui ont entièrement raison. Les enfants ont entièrement raison. Puis quand vous suivrez, vous écouterez, vous comprendrez, vous vivrez comme vos enfants vivent, à ce moment-là, vous serez plus proche de vous-même. Parce que vos enfants n'ont pas passé par la même expérience. Ouais, au moins de forme. Ils ont moins de forme à détruire. Vos enfants sont au bout. Mais ils ont l'air moins curieux que... Bon, heureusement qu'ils sont. Heureusement qu'ils ont arrêté à temps. Maman, je sais pas ce qu'il y a. Là, c'est le bon pour eux. J'ai eu affaire à rencontrer du frère, moi, le pilier. Un grand maître, en fait, je l'ai à l'intérieur d'une jeune fille de 22 ans. Très, très intelligente. Assez spiritualisée, que c'était sa côte. Il y a trois esprits qui est plus, puis, rentrer à l'intérieur de cette personne-là. Cette personne-là, je ne lui ai pas parlé, ça fait des années, je la connais à peine. Ça m'a vu trois fois depuis 22 ans, c'est trop. Quand elle est tombée en transe comme ça, elle a demandé à sa mère de m'appeler. Tu demandes ça, tu t'appelles ce gars-là. Je fais un choix de couple, là. À minuit le soir, mon téléphone sonne, puis elle dit je m'en vais chez vous. Ça fait un peu de temps, elle n'est pas venue. Ben, d'attendre un peu. J'ai senti une vibration, c'est pas. C'était bien envie de venir, bien d'être. Pour raccourcir l'histoire encore plus, tu vois, c'est que Satan, là, il s'est manifesté, ce que vous appelez, vous autres, Satan. Il s'est manifesté réellement à l'intérieur de elle. En se disant Lucifer lui-même. Puis qu'il y avait quelque chose à compter. Je veux l'écouter. Je suis à côté d'un fauteuil, là, contre mes impacts de quoi. Au bout d'un bout de temps, ce qui a pris sa place, c'est peut-être un nom qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui connaissent, mais c'est un nom qui va avec la grande spiritualité d'Eckhart Tolle. C'était le Soumane.

C'est ça. Le mensonge cosmique, c'est une science qui s'applique surtout dans les planètes comme d'autres, mais qui s'applique tout partout dans le cosmos, et même les esprits en sont affectés. C'est la plus grande con game qui existe. Le mensonge cosmique. Et pour savoir que ça existe, le mensonge cosmique, faut être fusionné, c'est pour ça que je le sais, il n'y a personne qui a parlé du mensonge cosmique dans toutes les archives initiatiques de l'humanité. Je suis le premier homme qui en parle, puis je suis pas le dernier. Mais, faudrait que ça soit dit une fois, faudrait qu'il y ait une fusion au niveau de l'intelligence, du principe de l'intelligence en rêve, pour qu'on le sache. Puis on le sait, fait que c'est à nous autres de marcher à partir de tout. Le reste, il absolument rien là. Absolument rien. Le mensonge cosmique, ma chère. M'en parler un jour. C'était toute une affaire, ça. C'est toute une affaire. Quand je vous dis que c'est une illusion de la connaissance, c'est pour vous protéger contre la connaissance. Contre le mensonge. Contre le mensonge. Exactement, parce que quelle que soit la connaissance, je vais vous la mettre à terre. Quel que soit. Quand même que ça viendra n'importe qui, les messagers de ci, les messagers de ça, papa. Je vais toute la cosmologie de l'ancien, je vais la mettre en pièce. Je vais la mettre en pièce un jour. Hein. Ça fait partie de ma vie. Mais en attendant, à ça. L'homme doit en arriver un jour à ne plus pouvoir se poser de questions, mais à les répondre toutes. Comprends-tu la figuration? Quand tu parles de... Elle a pu se poser des questions, mais elle y répond toutes. Puis elle répond toutes quand il y a une union entre l'ego et l'âme. Ça part. Le mouvement de bas en haut se fait plus sain qu'un mouvement de haut en bas. Puis pourquoi est-ce que les gens sont poignés dans le mensonge cosmique? Parce que tout le monde est dans le mouvement de bas en haut. Puis de bas en haut. Puis de bas en haut. Les questions, c'est luciférien. Toute question demandée est une question qui provient de l'ego et automatiquement, elle engendre une réponse qui est contaminé, qui est lié aux lois de la forme, qui est lié aux lois de l'illusion, qui sont liées aux lois de la fameuse rébellion luciférienne. Quand je dis que l'ego est luciférien, c'est ça que je veux dire. Quand tu dis que ça... Quand l'ego est dans les miens, quand l'ego est conscientisé, l'ego n'est plus luciférien, il est divinisé. Il est parfait, l'ego. C'est parce que tu disais que Lucifer était descendu dans la matière. Alors, à ce moment-là, ça fait partie de la matière. Le premier dans le groupe qui a compris un peu jusqu'à quel point, ça va le mensonge cosmique, c'est Croteau. À cause de son expérience. Puis il est en maudit contre moi pour ce journée-là. Parce que les gens sont toujours en maudit contre moi quand je leur fais voir quelque chose. Tout le temps. Parce que les COVID. Quand tu dis qu'il y a 52 églises dans la cosmogonie, c'est... Le ton frère! L'église se réveille. 52, ils sont tous mélangés. Je t'avais pas allé, je me suis bien arrêté. Mais encore. Yeah! C'est de l'air, c'est intéressant, c'est un beau travail. Quand on a encore la vibration défaulée, Bisez! Je vous ai dit tout ce que vous faites, c'est correct! Mais quand vous aurez la vibration d'en haut, c'est pas de votre ego que ça parle. Comme même ton ego, si tu m'écoutes pis je te parle de ci pis je te parle de ça pis là tu fermes la porte parce que vous Bernard a dit ça pis l'autre Bernard a dit ça pis Bernard a dit ça, à ce moment-là je deviens sur toi une influence. Ça c'est pas bon. Parce que ça t'empêche que dans la vie par tes propres expériences à comprendre par toi-même. C'est d'en haut que tu liras plus à cosmophonie. C'est d'en haut que tu frappes ici. C'est d'en haut que tu frappes ça. Plus d'en bas. C'est ça, je dis à tout le monde, faites vos affaires. Faites comme si vous m'aviez jamais rencontré. C'est au bout, le mensonge cosmique. Au bout. Ça fait marcher tout le monde. Pas bien du monde, tout le monde. Quand tu parles des souffrances des enfants de lumière, vous n'êtes de ça. Ça nous lit, ça. Les souffrances des enfants de lumière. Faut que ça arrête quelque part. Les questions, ça sert à nous parler. Les questions servent à vous faire comprendre des choses. Puis plus ça descend de haut en bas, mais plus vos questions sont répondues en relation avec l'énergie de haut en bas. Elle, de temps en temps, elle va avoir une question, elle va dire c'est pas important. Quand c'est pas important, ça vient du plan de l'âme, c'est pas important. Mais quand ça devient important, là, à ce moment-là, faites attention. Puisqu'un jour, dans la fusion, vous saurez tout. Aujourd'hui, il ne s'agit pas de savoir tout, il s'agit de savoir rien. Vous savez tout après. Mais non, vous autres, vous venez tout savoir, il n'y a rien à savoir. Tout est su. Faut que le canal soit formé. C'est ça notre évolution. Donc, vos enfants ont raison. S'ils sont tranquilles ou pas, laissez-les tranquilles. Laissez-les faire. Oui. Des fois, on écoute vos réceptes et on se demande, ils parlent-tu de l'esprit ou ils parlent-tu de l'esprit? D'où bien que le mot, c'est pas la même chose, mais le mot est le même. Esprit. Des esprits. Allez, d'après la cassette, allez, d'après la révélation. Quand je parle des esprits, du monde des esprits, en général, je dis le monde des esprits. Quand je veux dire eux autres, oui, là, oui, oui. Mais pourquoi le même mot? Pourquoi c'est le même mot pour les deux? Je veux moi un autre. Je vais m'en je peux pas commencer à vous créer des nouveaux mots, vous créer des nouvelles formes. Fait que je prends ce qui est là. Je le raffine un petit peu. Parce que... En général, quand je parle du monde des esprits, je parle du monde des esprits. Quand je parle de l'ego de l'homme qui doit être transformé en esprit, je dis l'ego de l'homme qui doit être transformé en lumière. Quand je parle de l'esprit universel, mais je parle des forces qui sont dans le monde de lumière. Allez, elle t'appelle le contexte de la cassette. Quand vous parlez de l'esprit universel, c'est le mental universel? L'esprit universel, c'est la manifestation de l'âme dans le mental universel. L'esprit de l'homme est au niveau du mental, le supramental. Les esprits, eux autres, sont dans le monde astral. Les esprits sont dans le monde astral, puis sont aussi pognés que vous autres. La lumière, c'est... Tu me demandais pourquoi c'est le même mot. Hein? Ouais. La lumière, c'est un autre mot. C'est un autre mot. Là, je dis tous les mots sont des prisons. Allez, la prochaine vibration, pas la force. Sans ça, vous allez vous accrocher, ça n'arrêtera plus. Continuons ton histoire. C'est toi. Bon. Le plus inquiétant de l'affaire, c'est que elle vivait avec des gens qui ne connaissent rien, ni du monde de l'esprit, ni de l'esprit, ni absolument rien de ce que vous connaissez. Alors, pour eux autres, ils ont fait 3 hôpitaux avec, et puis les médecins, ils l'ont mis à part. Rien fait avec ça. L'autre voulait aller la conduire à Saint-Jean-de-Dieu, finalement, maintenant, ça fait des polypes. C'est elle-même, cette fille-là, dans son jasement, là, qu'elle dit, appelez Guy. Ça, c'est pas de votre affaire, appelez-les. Si vous l'appelez pas, moi, je vais l'appeler. Fait qu'ils ont dit, hey, tu veux dire qu'on l'appelle. Tu fais quelque chose, tu veux dire. À ta poignée, les esprits qu'il y avait dedans, ils savaient imiter Satan, ou ce que vous appelez Satan, là, parfaitement. Ils lui ont fait visiter mentalement là, l'enfer. Elle me raconter ce que c'est qu'elle a vu. Ils lui ont fait visiter le ciel. Ça correspondait-tu à l'idée qu'elle se faisait de l'enfer? C'était dans Connaissait rien de tout ça, connaissait rien. Juste un petit catchiste puis petites affaires. Mais elle me dit ceci. Elle dit ça ne peut s'exprimer avec des mots. Ce que j'ai vu, elle dit ça ne peut pas s'exprimer avec des mots. Autant l'enfer que le ciel. Là, elle a essayé de me l'exprimer, mais il a coupé. Donc, pas cherché à savoir parce que c'est qu'elle avait vu. Mais à l'intérieur d'elle-même, elle a changé de couleur. Mais la figure blanc comme le bois que là, ça venait vert. Après ça venait rose. Soit disant quelle vibration qu'elle passait. Ça a duré 3 heures de temps, ça. Chez nous. C'est assez rendu chez nous. Puis à un moment donné, là, il a dit maintenant, il dit sûrement qu'il parle. Ça, c'est le temps meilleur. Ben, il a dit, c'est là que je l'écoute. Faut écouter l'envers. Alors, j'ai crié par la tête comme vous allez chicaner une bête qui comprend rien d'autre, que vous n'avez pas le choix. Elle s'est mise à trembler. Puis elle me dit, crie pas, arrête de crier, moi, fais tout ce que je veux, c'est vrai, je suis pas le sous-marche, c'est vrai, je suis pas Satan, c'est vrai, je suis pas intelligent, c'est rien qu'un imbécile. Puis elle me dit, on est trois, puis ils sont tous identifiés. On a mis le nom, tout. Et puis je leur ai dit que s'ils laissaient pas cet enfant-là, une petite fille de 22 ans, que moi, je les jetterais dehors. Puis où je les jetterais, ça sera pas drôle pour eux. Vous avez rentré, soit pour faire le bien, ou soit pour son bien à elle, ou pour le vôtre. Il m'a dit pour les deux. J'ai dit, quand vous aurez fini, faites bien votre job, puis faites vite. Ben, il a dit, donne-nous encore quelques jours. J'ai dit, OK. La minute que je la quittais, moi, il a fait venir dans le côté croche. Fait que là, je leur ai dit, je vous donne 24 heures. Puis vous faites tout votre job, puis sortez de là après. Elle dit, là, j'ai peur, je veux coucher chez vous. Elle est couchée chez nous. Puis c'est rien, ça. Ma femme est assise en arrière. Ma femme, elle me dit, en voulant dire, couchez ici, elle est nerveuse. Elle était dans son dos, OK? Elle s'est revirée, elle dit, toi, t'es bien jalouse. Elle dit, m'a couché ici pareil. L'esprit qui parlait à travers n'en va jamais adresser la parole à la femme. Mais il reste assez frais. Ça fait que je l'ai regardé, je dis, OK, tu vas coucher ici. Mais il y a une condition, que moi je te garde. Que tu sois tranquille, tu achètes pas ça. Fais ta job. Là, il m'a conté, là, un paquet d'histoires qui avait la tête en bas, puis qui avait le derrière en l'air. T'es heureux, là. Et puis, il faisait l'amour, là, puis il avait bien du fun. Fait que là, j'ai dit, laisse faire, on va te coucher, là, puis pas fou. Le lendemain matin, elle rentre chez eux. Le lendemain, à 5 heures, moi, j'avais dit, à 5 heures, si vous sortez pas, je m'occupe de vous autres à partir de 5 heures le soir. Elle reste chez quelqu'un, c'est une femme qui est deux fois plus grosse qu'elle. Une mari, 4-5 personnes, en ce moment. As-tu sorti le monde dehors? 3h30. Là, elle dit, vous ne voulez pas sortir du site, ça. Jeter le monde dehors. Elle est grosse comme un. Elle est grande, là, mais elle est tout petite. Là, il y en a eu peur, ils ont tout sorti dehors à la porte. Là, ils attendaient 5 heures. Puis, elle a essayé de rentrer à 5 heures moins quart, elle a tout sorti dehors encore. 5 heures. Ils ont rentré à 5 heures et 5, à peu près, elle était 24. Puis, ils ont demandé, eux autres, ils ne savent pas ce qui se passe. Fait qu'ils ont dit, t'es encore Pierre? Fait qu'il y en a un qui s'appelait Pierre, puis l'autre, là, l'autre s'appelait. Il va là, ça te la il y en a même. Il dit, oui, je suis encore ici. Monsieur, elle dit, ils sont pas sortis. Moi, j'étais pas chez nous. J'étais supposé être chez nous à 5 heures, j'ai pas pu être chez nous parce que ça va se passer comme ça. Les gars, ils ont eu une peur bleue. Moi, ils m'ont rejoint vers les 8 heures. Je l'ai appelé. Puis là, aussi drôle que ça peut paraître, cette fille-là me parle là, au téléphone, elle me dit, Guy, elle dit réellement, là, elle dit, je suis tanné. Je suis bien mal pris. Ben j'ai dit, passe-moi Pierre. T'as changé de voix, ça paraît comme ça, c'est une grosse voix d'homme. Fais-moi Pierre, je te dis, qu'est-ce qu'il y a? Là. Ben, dis, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas à toi de poser des questions. C'est à moi de dire quoi faire. Tu finis de ta job? Jean-Charles, sois plus poli, ben, moi, je vais me rendre chez vous. Correct, correct, correct, correct, que dis-moi faire, ce que je dis. Ça dure une journée, ça encore. J'ai lui encore donné une journée, puis à minuit le lendemain soir, le téléphone sonne, puis là, Pierre m'a parlé, puis là, l'autre m'a parlé, puis t'as pas qui me parlait ensemble, dans mes mémoires. J'ai dit, wow, là, les moteurs, une fois. Ils ont dit, on est tous prêts à sortir, on veut sortir, puis on peut pas sortir. J'ai dit, faut que tu viennes nous aider, OK. Je suis parti chez nous, j'ai dit, t'as minuit pas. On en avait 20 000, bref, je me suis rendu là, puis le plus curieux de l'affaire, l'endroit où elle est, personne ne sait qu'elle est comme ça, parce qu'elle appelle pas. Elle est assise, elle est en face, chez le voisin, puis elle parle pas. Elle prend de l'eau, elle regarde les autres jouer au câble. Fait que moi, j'arrive là, je sens que... curieux, drôle dans mes oreilles. Les gens me regardent, bonjour, puis je dis, je peux-tu te parler tout seul en bas? Je l'emmène tout seul en bas. Ça fait 15 minutes, à peu près, j'avais fini. Puis très bien, là, depuis ce temps-là, mais elle est restée avec la double voyance. Qu'eux autres comprennent pas encore. Et que moi, je lui ai expliqué. Parce qu'à un moment donné, elle a dit, elle regarde les murs comme ça, regarde, elle a dit, fais beau dehors, elle dit, les beaux arbres, fais prendre, fais quelque chose. Hein. Fait, je dis, avant de dire ça aux autres, ferme-toi les yeux. Puis j'ai dit, si tu vois les arbres encore, puis le soleil, là, ben tu parles-en pas, garde-les pour toi. C'est parce que c'est l'autre dimension. J'ai dit, demande à ton ajusteur en dedans de te donner la voyance seulement que les yeux fermés. Comme ça, tu vas pouvoir différencier avec les autres, puis tu mets tout le monde, puis tu prennes quelque chose. Tout ça, c'était pour vous dire qu'elle, cette petite fille-là, connaît rien, rien, rien. Son père et sa mère connaissaient rien de tout ça, puis des gens avec elle, elle s'est jetée dans les bras, ils ne connaissent rien. Puis elle a passé 3 hôpitaux, les médecins ont rien compris. Puis moi, dans le fond, avant qu'elle m'en parle, je connaissais rien, ça. Et la minute que je l'ai rencontré, je suis exactement pas prêt. Ça, ça fonctionne comme ça. C'était votre âme qui vous disait qu'est-ce que vous deviez faire? Je dirais pas ça comme ça. Je dirais que c'est tout par vibration. Tu penses pas à ça, tu fais ça. Ben, c'est bien. Puis, les choses que j'ai dit venant de moi-même, là, ça n'a pas arrivé de même. Parce qu'il en passe à travers. À un moment donné, c'était quelque chose que t'avais pas, tu voulais régler tout de suite, là. Et quand je leur ai dit, moi, qu'à 5 heures, s'il était pas sorti, que je m'en occuperais, ben, à 5 heures, je m'en suis pas occupé, parce que je suis arrivé chez 9 heures. Parce que j'avais pas été là. C'est comme ça. Elle avait un star à passer, dans deux enfants à passer. C'est ça que je veux dire, là. Il y a des choses que malgré tout, là, qui, ça passe comme ça. Et tout ça, c'était surtout pour vous dire, là, pour ceux qui pensent à Satan, puis qui pensent au bon Dieu, puis qui pensent à ça, là. Ben, imaginez-vous que ceux qui ont jamais vu ça, là, réellement, là, qui croyaient en Satan, là, c'était réel. Et les autres qui n'avaient jamais vu ça, bien, ils auraient pu créer aussi au mat aussi. Aussi dur. Puis ils auraient cru au ciel. Puis ils auraient pu créer tout ça. Mais il faut là savoir, à travers de ça, que c'était simplement que 3 ou 4 esprits, il y en a un qui était en charge, là, de 503 esprits. Ben, c'est important, c'est le leader, ça. Lui, il était assez smart, je l'ai mis en charge. Lui, je ne sais pas quel boss, toute la gang des autres, reste pas rentrer les autres, sois calme. Parce que c'est avec lui, j'ai fait un genre de pacte qui fasse sa job et qui fasse pas mal à cette personne-là. Ils sont tous sortis. Mais la moitié de ça, ça vient tout de leur illusion. Parce que l'autre moitié de ça, ben c'est encore de l'illusion, mais c'est plus concret parce que les gens y croient. Mais c'est de l'imagerie mentale qui existe dans le monde astral. Que si vous voyez ces vibrations-là, vous pouvez être trompé encore plus que dans le monde physique. C'était-tu des illusions du côté des esprits aussi? Des illusions, des esprits, il y en a qui sont aussi dans l'illusion comme nous, on peut l'être quand on ne connaît pas. Puis le fameux péché que vous parlez, c'est l'ignorance de la conscience totale qui est le péché. C'est pas Satan, puis c'est pas la pomme d'Adam, puis tu les quittes. Ça faisait dans le temps, mais aujourd'hui, c'est arrivé que le péché, c'est ne pas avoir la conscience totale. C'est une conscience, c'est comme Bernard fait. Ben c'est oui. Pour ça qu'il ne veut pas vous parler du monde des esprits, vous parler de Satan, vous parler des religions. C'est pour ça qu'il veut dire, parce qu'il n'y a rien à dire sur ça. Tout a été dit sur ça. Moi, si je vous dis ça un soir, là, c'est parce que je sais que ça va vous servir à clarifier plusieurs choses. C'est pas plus important que ça. Mais quel job qu'ils avaient à faire? Tu disais qu'ils avaient un travail à faire? C'est un travail que j'aime pas en parler ici parce que ça concerne pas ici. Ça sert à penser à raconter un travail personnel avec impersonnel à elle. C'est tout est réglé. Mais surtout, mais ce que je voulais faire ressortir, c'est simplement. Elle avait pas la force de chasser? Et pourquoi tu te sens possédé? Je veux pas parler de ça parce que c'est pas le but. C'est pas le festin. C'est pas important. Mais en se laissant, en écoutant Bernard, en comprenant qu'on doit se conscientiser le plus possible, avec la conscience, on se libère de tout ça, du monde spirituel, puis des esprits, puis de. On est assez de mauvaises choses, puis de mensonges, puis d'illusions que Bernard ne pouvait pas nous en raconter. On est dérapé. Il essaie de nous nettoyer, quand on essaie de faire dire des histoires comme ça, on comprend qu'il ne veut pas en parler. Parce que. Notre conscience astrale, là, c'est un champ magnétique qui gobe tout, fusionne tout. Même on se pointe trop encore après ce que Bernard dit. C'est pour ça que Bernard passe son temps à dire, mais croyez pourquoi? C'est pour nous empêcher de se poigner parce qu'il dit. Il le dit tantôt. Les gens qui parlent, qui disent, Bernard a dit ci, puis Bernard a dit ça. C'est pas ça que Bernard veut dire. C'est la vibration. Qui veut qu'on comprenne, parce qu'on a chacun un point de vue à l'intérieur de nous. Avec les mots qu'il dit, il n'y en a pas un parmi nous autres qui va le comprendre vibratoirement pareil, exactement. Mais vibratoirement, on est sûr de comprendre à notre longueur.